Sur le chemin de l'école, nous avions 12 ou 13 ans. Cheveux blonds et tête folle, nous parlions comme les grands. Nous avions la tête pleine de jolis projets. Moi j'avais pour Madeleine un tendre secret. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Sur le chemin de la vie, nous nous sommes séparés. Chacun son jeu, sa partie, j'ai dépensé sans compter. Les amis, l'argent, les filles, et puis mes 20 ans. Je n'ai pour toute famille qu'un petit enfant. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Sur le chemin de l'école, quand j'irai t'accompagner, je t'en donne ma parole, je saurai te protéger. Je t'offrirai des voyages, une jolie maison. Je t'apprendrai le langage des 4 saisons. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend.